C'est maintenant l'heure de la chronique technologie de l'information avec Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut technologie et information ici à... Non, c'est technologie et société. Technologie de l'information et société. Ouais, j'ai failli l'avoir par cœur. Raymond, bon matin, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, il y avait la semaine dernière des conférences dans le cadre du web à Québec. Ça, en fait, ouais. Un grand événement. C'est la deuxième édition et déjà fait un franc succès. On parle de pratiquement 500 personnes qui s'étaient réunies à Espace 400e, plus d'une trentaine de conférenciers, certains conférenciers internationaux, d'autres du Québec, pour explorer différents éléments du web, de la conception à l'utilisation. Et évidemment, comme c'est le cas dans ce type d'événement-là, eh ben, on se construit un peu notre parcours pour nos explorations, pour essayer de voir justement qu'est-ce qu'on retient de l'état du web, de cet état du web qui était présenté à cette occasion-là. Et je dois te dire, j'en retiens quand même pas mal de choses, parce qu'il y avait pas mal d'éléments propices à réflexion. J'en lance quelques-unes aux auditeurs, auditrices ce matin. Notamment conférence du directeur général de Google Québec, Nicolas Darveau-Garneau, pour qui il y aurait urgence numérique au Québec, en fait, dans cette idée que de plus en plus les gens, les citoyens, citoyennes, les consommateurs, consommatrices se retrouvent sur Internet, vont sur Internet pour aller magasiner, vont sur Internet pour aller chercher de l'information, voire même pour regarder des émissions. Il y a à peu près, en moyenne, on parle de 43 heures par mois par Canadien, donc de consommation de temps Internet. Mais par contre, face à cette réalité-là où les gens y sont de plus en plus, lui, M. Darveau-Garneau, a remarqué que la publicité, elle, ne s'y trouvait pas tant que ça. Et donc, que même si ce médium-là prenait plus de place dans les habitudes de vie des gens, il y avait seulement 16% des investissements publicitaires qui s'y trouvaient. Et donc, pour lui, ça voulait dire que d'un côté, on n'investissait peut-être pas assez le médium de la part de l'entreprise, et de B, que si on l'investissait, ben, comme l'habitude n'était pas prise, souvent, c'était des campagne que lui jugeait plutôt maladroite, si l'on peut dire. Donc, il y avait une appropriation du médium qui manquait, et ce qui fait que pour un bon pan de l'entreprise québécoise et par extension aussi de l'entreprise canadienne, mais il y avait peut-être un manque à gagner à cet aspect-là. Et lui disait, regardez, si on ne se trouve pas sur le web, si on n'y va pas, considérant que la compétition est globale, eh ben ça risque d'être une opportunité ratée majeure pour l'entreprise, mais par extension pour l'économie en général du Québec. Puis notamment avec les appareils mobiles, avec la généralisation maintenant des appareils mobiles, monsieur de Google Québec, en fait, c'est le concepteur informatique et auteur Luc Roblowski qui a affirmé qu'il faut changer les manières de vendre un peu. Exactement. Mais en fait, d'un côté, on est de plus en plus sur le web. De l'autre, il y a de plus en plus de gens qui ont des appareils mobiles. Alors nécessairement, quand on va concevoir pour ces utilisateurs-là, mais faut garder en tête le plus possible leurs besoins, leur réalité, parce que d'un côté, donc la présence sur Internet évolue, de l'autre, l'utilisation des appareils qui donnent accès au web en vient à changer, parce que bon, il y a une dizaine d'années, quand on voulait aller sur Internet, tout ce qu'on avait à utiliser essentiellement, c'était un ordinateur, c'était un ordinateur personnel, comme on a encore au bureau, mais là aujourd'hui, il y a des tablettes. Il y a les téléphones mobiles. Et donc, ce qui fait que pour chaque type d'accès, il y a des besoins qui sont différents, parce qu'on travaillera pas de la même manière sur Internet à partir d'une tablette tactile, à partir d'un iPhone, iPod, Android, etc., ou à partir d'un ordinateur personnel. Ils ont remarqué, et c'est ce que le conférencier, notamment Luc Wobolewski, mettait de l'avant, quand on utilise notre appareil mobile pour aller sur Internet, c'est des sessions très, très courtes. Quand on utilise une tablette, ça se rallonge un peu, mais ça reste des sessions courtes, souvent le matin et le soir. Et quand on utilise l'ordinateur personnel pour accéder au web, eh bien là, c'est des sessions beaucoup plus longues. Donc, ça veut dire que les utilisateurs n'ont pas les mêmes besoins. Et lui, ce qu'il disait, ce qu'il mettait de l'avant notamment, c'est, regardez, si sur mobile, on y va parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a un petit peu de temps à perdre, comme on dit, si on y va parce qu'on a une information urgente très, très précise à aller chercher, ou un besoin très, très précis auquel répondre, eh bien, faut adapter aussi la conception des sites en fonction de ces besoins-là. Donc, exemple, il faut mettre le contenu de l'avant, que le contenu soit facilement accessible, parce qu'en plus, avec les téléphones mobiles, on a quand même une bande passante qui est assez mince quand on n'est pas chez soi. Et donc, ça veut dire qu'il faut pas non plus demander aux gens de faire 5-6 clics, d'aller chercher 5-6 pages pour aller chercher l'information à laquelle on veut avoir accès. Non, et donc, en plus, parce que souvent, quand on a un téléphone intelligent, qu'on veut avoir l'information maintenant, c'est faut que ça soit rapide, parce que souvent, c'est par exemple, purement banal, avoir l'horaire du RTC, c'est comme tout de suite, pas dans 5 heures. Ou... Exactement. Et on veut pas faire non plus, on veut pas aller à un menu qui nous donne accès à un autre élément. Il y a de la géolocalisation qui est possible, il y a des facilitateurs en programmation qui sont intégrables à l'intérieur de ces pages-là. Et on l'a vu d'ailleurs de plus en plus, les concepteurs de sites mobiles ont adapté la manière dont ils créent les sites. Et M. Wobleski montrait exemple YouTube. Donc, il y a quelques années de ça, quand on arrivait sur le site mobile de YouTube, c'était un petit menu où on allait chercher des options. Aujourd'hui, quand on y va, on a tout de suite les vidéos de l'heure. Et si on veut aller chercher des options de recherche ou d'autres options menus, eh ben on a un clic à faire. Donc, d'emblée, des sites orientés contenu. Et ce qu'il semblait dire aussi, c'est que cette manière de faire-là allait peut-être aussi éventuellement contaminer le web, où on voit de plus en plus des sites de marque, des sites développés pour leur qualité graphique, mais dans lesquels le contenu n'est pas nécessairement facile à aller chercher. Alors, il y aura peut-être une petite révolution aussi apportée par le mobile dans les autres outils de navigation. C'est ça, puis aussi dans les outils de promotion, il va falloir que les entreprises développent des outils qui sont propices pour les appareils mobiles. Ben exactement. En fait, c'est ce que soulignait notamment François Gaumont, directeur général chez Humaine Innovation, qui lui disait, regardez, les gens ont un appareil mobile, c'est un canal sur lequel les rejoindre. Il faut vraiment aussi, en promotion, qu'on mise sur ce qu'il appelle le multicanal. Donc, d'aller chercher les gens là où ils sont. Donc, ça implique aussi bien comprendre le consommateur, savoir ses besoins aussi à quel moment. Et il donnait quelques exemples de stratégies qui ont été mises en place, notamment une entreprise britannique qui donne dans l'alimentation qui s'appelle Tesco, qui, eux, se sont rendu compte que il y avait beaucoup de gens à Londres qui prenaient le métro et qui avaient des temps d'attente, des fois des 5, 6, 7 minutes dans des stations entre deux trains dans un transfert. Et donc, ils ont décidé de s'acheter de la publicité sur les murs de ces stations de métro-là. Leur publicité, c'est des reproductions photographiques d'étalages de magasins avec des codes en dessous pour qu'on puisse les scanner avec une application à partir du téléphone mobile. Donc, les gens attendent leur métro, se promènent devant ces étalages virtuels-là, si on peut dire, scannent les éléments qu'ils veulent se procurer dans leur épicerie. Ensuite, poursuivent leur déplacement. Et quand ils arrivent chez eux, exemple, une demi-heure plus tard, ben à leur porte, il y a leur épicerie de livrer. Donc, c'est vraiment de comprendre le consommateur, de répondre à un besoin précis, économie de temps, temps d'attente, rentabiliser le temps pour pouvoir aller le rejoindre et lui vendre ses produits-là. On s'est aussi questionné à cet événement-là. Il y a plusieurs préoccupations qui sont rattachées au nouveau mode de gouvernance relié au web. Exactement. Mais en fait, puisqu'on change la manière de faire la publicité, la manière de promouvoir, évidemment, ça vient changer aussi la manière qu'auront les États, les gouvernements, les administrations publiques d'entrer en contact avec leurs citoyens, citoyennes. Et il y a toute la question, en fait, de savoir de quelle manière, et c'est une réflexion qui est en cours, qui est très intense, qui est très chargée, donc de quelle manière rentabiliser ces nouveaux modes de communication-là pour favoriser le contact entre citoyens, citoyennes. Il y a un rapport qui est quand même assez attendu au Québec, en fait, Henri-François Gautrin, leader parlementaire adjoint, député de Verdun, qui lui présentement se consacre à l'analyse des incidences pour la société québécoise de l'utilisation du Web 2.0 par le gouvernement, à des propositions aussi stratégies d'action. Il était censé présenter son rapport au web à Québec, mais finalement, pour des raisons stratégiques, question d'éviter que celui-ci soit tabletté, du moins c'est ce qu'il disait, il a décidé de retarder un peu cette présentation-là. Nous a quand même laissé quelques grandes lignes de ce qui s'en vient en matière de réflexion là, du côté du gouvernement québécois. Alors, il parle notamment de faire un pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement rendre accessible l'information, mais aussi la rendre utilisable par les citoyens et citoyennes. Il perçoit aussi que le citoyen, je cite, ne veut pas seulement être informé, mais veut participer à l'acte de gouvernance. Et évidemment, le troisième point qui leur fait ressortir, c'est les questions de sécurité. Si on décide de donner un plus grand accès aux communications de la part du citoyen à travers, exemple, les médias sociaux avec les instances gouvernementales, ça implique aussi qu'il faut donner accès à l'intérieur de ces instances-là aux médias sociaux. c'est pas nécessairement des choses qui sont faciles à sécuriser. Il y a déjà des accès limités qui sont offerts au gouvernement. On n'a pas facilement accès à Facebook, YouTube et autres. Donc, de quelle manière rendre ces accès-là possibles? Parce que si on veut faire un dialogue, ben faut choisir à qui on va donner accès aussi à l'intérieur de la structure gouvernementale, de quelle manière on va lui donner, etc., etc. Alors ça, c'est vraiment les réflexions qui sont lancées du côté du gouvernement québécois. Évidemment, il y a d'autres administrations qui, elles, ont commencé à intégrer ces outils-là, ces moyens-là. Exemple, la Ville de Québec qui a fait une présentation de leurs outils, de leurs appareils. On parlait tout à l'heure de l'application du RTC, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, c'est un bon exemple. Et de plus en plus, la Ville de Québec a décidé justement de se lancer dans l'intégration de solutions mobiles en se disant justement qu'il y avait une demande, qu'il y avait un besoin de la part des citoyens et citoyennes de Québec. Donc, on parle de l'application du RTC, on peut parler du réseau Zap Québec qui a été généralisé. Il y a un projet de coffre-fort virtuel qui s'en vient. Il y a un renforcement aussi de la ville sur le web 2.0. Ils sont quand même très présents là-bas. Un site web qui a été remanié. Des éléments mobiles aussi qui sont développés. Alors, il y a une volonté pour la Ville de Québec de rendre ces éléments-là accessibles. Et en parallèle, juste avant le Web à Québec, ils avaient aussi lancé leur portail de données ouvertes. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines données non sensibles qui sont accessibles un peu à l'ensemble de la population. Et dans le Web à Québec, il y avait aussi une petite compétition, d'ailleurs, le Iron Web, où il fallait qu'il y ait des équipes de développeurs qui utilisent ces données rendue ouverte par la Ville de Québec pour développer des applications mobiles. Il y en a l'application gagnante, je crois, c'est un appareil, une petite application qui permet de savoir un peu les activités de loisirs proches de nous qui ont lieu au moment où on observe l'application. Donc, des éléments comme ça pour essayer d'utiliser, de maximiser des données qui pourraient être plus utilisées et parallèlement de donner l'opportunité aussi à des développeurs, développeuses de Québec de tenter justement de les utiliser, de les proposer aux citoyens et citoyennes. Puis d'ailleurs, Monsieur Asselin, qui est directeur général chez Opossum, lui disait que l'ouverture des données, ça représente vraiment un enjeu de taille qu'il faut continuer à revendiquer continuellement. Oui, en fait, je le cite, tiens. Lui disait, la transparence, ce sont des vieux pieux. C'est à partir du moment où l'on lance des données ouvertes qu'on fait véritablement un pas. Ça aura pour effet de donner une puissance publique aux citoyens. Ça permettra aux développeurs d'imaginer de nouveaux usages à ces données. L'idée, c'est d'encourager l'innovation, de créer un partenariat entre le gouvernement et le citoyen. Donc, vraiment, là, d'aller vers une politique de transparence au bout du compte à travers ces mesures-là. Et parallèlement, peut-être dernier clin d'œil que je ferais, c'est aussi toute la question de l'innovation. Donc, si on change la manière de concevoir pour le web, de publiciser le web, de communiquer entre État et citoyens, mais ça va aussi changer les approches d'innovation. Il y a un autre conférencier, Geoffroy Garon, qui lui a été faire un peu un inventaire des plateformes d'innovation qui sont disponibles et ouvertes sur le web. On peut aller proposer des projets, chercher des collaborations, etc. Et donc, de plus en plus, il y aura aussi un changement de paradigme quand on parle d'idées, quand on parle de propriété des idées et quand on parle d'appropriation aussi des idées des autres pour vraiment créer un monde où il va être beaucoup plus facile d'innover, d'échanger des idées et donc de proposer des nouvelles pistes et des nouvelles avenues. Alors ça sera intéressant aussi à surveiller avec toute la tangente des villes intelligentes, des living labs, etc., etc., et de l'innovation ouverte, évidemment. Merci beaucoup. Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie, information et société à l'Université Laval. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir. Et si les gens veulent retracer les articles auxquels on a fait référence, en fait, il y a des résumés qui sont disponibles sur itis.ulaval.ca. Merci beaucoup.